Standard Matignon, bonjour. Ouais. Allô? Allô? M'entendez-vous? Je ne vous entends pas. Je raccroche. Rue de Varennes, de François Perrache. Cinquième saison, l'Arche d'Alliance. Et leur prophète leur dit, le signe de son investiture sera que l'Arche d'Alliance va vous revenir. Les anges la porteront. Voilà bien là un signe pour vous si vous êtes croyant. Sourate numéro 2. Verset 248. 57, rue de Varennes. 22e épisode. Lévis, vous avez entendu l'interview du PM ? Non, monsieur le président, je finissais des courriers. Je vous ai entendu. Monsieur Fournier a encore fait une annonce ? Matignon déménage ! On peut dire en effet que depuis un an, le rythme est soutenu. Non, Camille Fournier déménage, Matignon ! Littéralement ! Fini, le 57 rue de Varennes. Ah, c'était donc ça. Et où est-ce que je fais suivre son courrier ? C'est tout l'effet que ça vous fait. J'en ai vu d'autres depuis 1976. Je reconnais qu'en l'espèce, monsieur le Premier ministre se surpasse. Ah, mais alors, surprise du jour. Notre petit génie national a décidé, sans m'en parler, bien sûr, de s'installer dans l'Arche de la Défense. Donc, plusieurs choses. Venez, Béni, primo. Vous voulez voir monsieur Fournier ce soir ? Oui, dès qu'il sort de son interview. Et deux jours, je voudrais... qu'on trouve un moment, demain, pour discuter de ça, au moins avec Christian, avec le SGG, puis avec Bercy, parce qu'on déménage pas à Matignon comme ça, merde! Il faut aussi que j'en parle à Françoise Miquel. Elle vient d'appeler, monsieur le président. Miquel? Oh putain. Déjà? Et elle était dans quel état? À peine plus désagréable que d'habitude. Elle m'a dit exactement... voilà, c'était il y a 10 minutes. En tant que présidente du MEDEF, il est inacceptable que je n'ai pas été informée de cette décision. Ensuite, elle a parlé, enfin, je crois, mais c'était plus confus, elle semblait très énervée. Madame Miquel a parlé d'un principe de séparation des entreprises et de l'État, enfin, ou quelque chose dans cet esprit. J'ai fait comme si je comprenais de quoi il s'agissait, et je lui ai dit que vous la rappeliez au plus tôt. La mère Miquel. Bon, vous lui trouvez un rendez-vous demain matin, Edwige. On va essayer. Autre chose, monsieur ? Oui, rien à voir. Le rendez-vous que je viens d'avoir avec le colonel Michaka ne doit apparaître nulle part, même en interne. Quel rendez-vous, monsieur le président ? Merci, Edwige. Ah ! Et je veux parler le plus tôt possible à Laurence et à Kim. Je veux les voir ensemble. Mais même chose, vous m'organisez ça discrètement. Personne ne doit être au courant. Personne. Tout est noté. Je vous souhaite un bon dîner, monsieur le président. Quoi ? Les Canadiens. Oh là là, tabernacle. Ah, j'ai tellement rien à leur dire. Et lui qui est toujours là, sourire comme un con, on dirait une pub pour du dentifrice. Ils ont plus de dents que nous, non ? On dirait qu'ils sont toujours en train de poser pour des photos de mode. Côté, j'ai l'air d'un indiforme. Non, monsieur. C'est pas des talonnettes qu'il me faudrait, c'est un escabeau. Mais non, c'est... Si, mon épigny. C'est gentil, mais je les vois, moi aussi, les photos. Et tout ça pour essayer de leur fourguer 3 avions de chasse minables dont personne ne veut en échange de bœuf aux hormones. Si on m'avait dit que le boulot c'était d'être représentant de commerce. Enfin, bon. Vive le Québec libre. Bon, qu'est-ce que vous en pensez ? Je mets une cravate ou pas ? Mais il n'y a pas de raison, hein ? Il n'en met jamais, lui. Mais il a 35 ans et il est nord-américain. Vous êtes la France. À vos ordres, mon épénie. Ah, Edwige. En me rasant, j'ai fait tomber mon alliance dans le lavabo. J'ai essayé de regarder, mais est-ce que vous pourriez... Je vais voir ce que je peux faire, monsieur le président. Oh, merci, Edwige. C'est la mère Miquel qui a perdu son chat. Mes amis, vous aurez compris que le Premier ministre, Camille Fournier, vient d'annoncer contre toute attente... le déménagement pur et simple de l'hôtel de Matignon. Cette nouvelle va faire du bruit dans Landerneau, ou comme le dirait le Premier ministre dans un idiome qui lui est familier, ce sera une merveille de 7 jours. It will be a 7-day wonder. Hélas pour notre héros, 7 jours de répit ne lui seront pas accordés, car la mort, une fois encore, impose son calendrier. Nous sommes au lendemain de l'annonce du déménagement. Il est bientôt 8h du matin et Valérie Mérieux, la directrice de cabinet de Camille Fournier, s'apprête à prendre son poste à Matignon. Elle ne sait pas encore que la journée sera terrifiante. Codis 45 de VCG Orléans-Nord pour message urgent. Codis 45, prenez message. Intervenons à l'adresse confirmée pour un accident automobile impliquant une VL ayant pris la fuite après avoir percuté la foule. Nombreux piétons touchés, au moins une cinquantaine d'impliqués. Je demande la police et les moyens du plan Novi. Est-ce reçu ? Parlez. Bien reçu, BTG Orléans. Vous demandez les moyens du plan Novi. Pour info, trois équipes furent déclenchées au départ des secours. Oui. Fais point agenda ici dans ton bureau ou t'es arrivé il y a longtemps? Qu'est-ce que tu fais? Mon activité favorite. Je dépile des emails. Hier soir, entre l'interview et la discussion avec le président, ça m'a complètement foutu dedans. J'avais je sais pas combien de dizaines d'emails en retard en arrivant. 100, 120 peut-être. Rien qu'entre 19h et 5h du mat. On est vraiment le bureau des pleurs. Ils m'écrivent pour tout et n'importe quoi. T'es arrivé à 5h, tu t'es couché à quelle heure? Ils veulent tous la décentralisation, mais ils n'osent pas prendre la moindre décision sans notre validation. On dirait des gamins. Tiens, regarde. Lui, là. Qu'est-ce que tu veux que je lui réponde? Pourquoi il m'écrit à moi? Monsieur le Premier ministre, j'ai l'honneur, j'ai l'ambition d'organiser un forum régional de l'emploi dans le secteur sanitaire et social. Tu pars d'une ambition, prétentieux en plus, blablabla. Aussi, je vous saurais gré, s'il vous plaît, mais passons. Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer votre accord pour la tenue d'une telle manifestation. Non mais, le mec, il est préfet de région et il réunit 3 boîtes 10 stagiaires, il veut mon accord. Il se couvre, Camille. Ils veulent te montrer qu'il bosse. Et ça fait 20 fois que je te le dis. Tu dois pas gérer ton courrier en direct. Même si c'est un préfet qui t'écrit en disant que c'est exceptionnel et personnel. Ils ont tous des demandes exceptionnelles. Alors, elle est là pour filtrer, pour orienter. Il y a un service courrier. Elle filtre déjà, heureusement d'ailleurs. Elle me fait signer je sais pas combien de lettres par jour que j'ai pas lues. Dessine à des gens dont j'ai jamais entendu parler. Ça fait partie de ton job, Camille. Mais en plus, il faut que je rajoute à la main mon cher Marc ou ma chère Sophie. Il paraît que ça leur fait plaisir. Des gamins, je te dis. Des gamins en costard-cravate et en tailleur. Des legs. Je suis désolé. Mais quand un préfet ou une ministre ou un dircab ou un ambassadeur ou une directrice d'administration centrale m'écrit, personnellement, j'estime que c'est à moi de répondre. Faut juste qu'ils apprennent à pas écrire pour n'importe quoi. Mais arrête de leur répondre, ils arrêteront de t'écrire. Oula, c'est vraiment une mentalité de guichetier, ça, Valérie. L'art d'être français dans toute sa splendeur. Faut pas répondre aux gens, comme ça ils vous emmerdent plus. Il y a qu'en France qu'on voit ça. Et en Corée du Nord, j'imagine. Rien que pour ça, un petit passage par le privé, ça te remet les idées en place. Bon, Camille, il est un peu tôt, là. Si on pouvait éviter les poncifs sur la fonction publique. Ça fait 20 ans que je bosse au ministère ou en cabinet et j'ai pas l'impression de peigner la girafe. Délègue. Bon, ça s'est passé comment hier soir avec Pierre-Yves? Normalement, mal. Il a fait comme si je le mettais devant le fait accompli pour le déménagement. Tu l'as mis devant le fait accompli. Même moi, j'étais pas au courant. Non, Val. Le président a eu une note il y a 3 mois, que tu as eu aussi d'ailleurs, que le SGG a eu, que la DESAF a validé, et qui avait pour seul objet la gestion du parc immobilier de Matignon et où ça faisait clairement partie des options. Camille, on envoie plusieurs centaines de notes par mois à l'Élysée, des notes de plus en plus techniques, parfois je m'y perds moi-même. Et je viens de la relire celle-là. Le déménagement de Matignon, c'était une proposition parmi une quarantaine d'autres. Et puis, déménager Matignon, franchement... C'était presque une blague. Ah bon? Mais maintenant que tu l'as annoncé... J'ai la réputation de faire des blagues dans mes notes, moi. Première nouvelle. En plus, excuse-moi, c'est complètement con de déménager en plein milieu de ton mandat. Quitte à faire des cartons, autant attendre une passation. C'est vous, là, les technos du Sérail qui m'avaient expliqué en long et en large que les passations, c'est la panique? On a le temps de rien organiser, les anciens font leur paquet pendant que les nouveaux débarquent? Non. Il faut déménager Matignon quand on est au calme. On n'est jamais au calme à Matignon, Camille. Et t'aurais dû attendre le go du président. Surtout pour une décision aussi symbolique. Ah mais il a répondu, Gerland. Il nous a renvoyé la note le mois dernier avec marqué, comme il fait toujours, avec son petit stylo rouge. Vu, merci. Je peux demander à Armel de la ressortir si tu veux. Après, si le président valide une note sans l'avoir lue, C'est son problème, pas le mien. C'est ce que je lui ai dit d'ailleurs. Tu lui as dit ça? Tu lui as vraiment dit ça? Qu'est-ce qu'il a répondu? Oui, Armel. Excuse-moi, Camille. Il y a l'assistante de Sébastien Labarre qui m'appelle parce que Sébastien est en ligne avec la préfecture du Loiret, le préfet lui-même. Et? Si j'ai bien compris, il y aurait eu un gros accident devant une école primaire. Et? Codis 45 de VCG Orléans-Nord, prenez message. Premier bilan provisoire. 56 impliqués, dont 2 enfants en Delta et Child Delta. 14 victimes en urgence absolue, 22 victimes en UR et 18 indemnes. Demande l'appui d'une cellule d'urgence médico-psychologique. Est-ce reçu? Parlez. Du lit, là. On n'est pas à 5 minutes près maintenant qu'ils sont morts. Mais monte, tu feras ton lacet dans la voiture. J'en sais rien, je vais demander lui. Il me faut un café. Orléans. Bien, madame. Vous avez une adresse précise? On verra en route, roulez. On doit être les premiers, donc pied au plancher. Oui, madame. Voiture 1 pour escorte. Direction Orléans. Je répète, direction Orléans. Demande d'autorisation PP pour ouverture immédiate d'un itinéraire prioritaire. J'aimerais bien qu'on s'arrête pour le café. Ils ont quel âge, les gamins? 8-10. Bon, on ira soit à la préf, soit dans le Blat directement. C'est à Saint-Jean de quelque chose. Saint-Jean de la Ruelle? C'est possible, oui, un truc comme ça. Bon, j'appelle le préfet. Prudence à tous, trafic chargé attendu sur l'itinéraire. Reçu, affirmatif. Votre SDLP pour OS, est-ce qu'on a une destination finale? Négatif, SDLP. Précision à suivre. Peut-être Saint-Jean de la Ruelle, en banlieue ouest d'Orléans, à confirmer. On peut y être dans combien de temps? Dans 1h20, 1h30, madame, si on pousse. Bah alors poussez. Il y aura de la presse, tu penses? Dominique, c'est l'accident de la décennie. Oui, allez au cabinet Dominique Pelletier, passez-moi le préfet. Terrible. Qu'est-ce qui se passe? Un gros accident devant une école primaire du Loiret. Quand? Là, tout à l'heure, il y a 20 minutes, à 8h10, juste avant l'entrée des élèves. Sébastien est en train de faire le point avec le préfet. Et? D'après les premiers témoins, ce serait un 4x4 qui aurait foncé sur un groupe d'élèves qui attendait l'ouverture de l'école. Ils ont arrêté le type? Non, il est en fuite. Des victimes? Oui, il y aurait au moins une dizaine de blessés, dont plusieurs très graves, et 4 morts. Excusez-moi. C'est la fête. Ça va, mais tu veux un verre d'eau? Combien de morts? Camille, 2 secondes, s'il te plaît. Je suis désolée, mais ce matin, avant de venir, j'ai déposé mon fils à l'école et là, j'arrive, c'est horrible. Excusez-moi. Ça va aller. Salut. Elle vous a raconté un peu? Ça va, Émilie? Bon, Seb, qu'est-ce que je peux faire, moi? J'ai mis le préfet en attente, tu lui dis un mot? Ok, mais c'est quoi le bilan pour l'instant? Une boucherie. On vient de lui annoncer un 5e gamin sur le carreau et au moins 15 blessés, dont 10 graves. Tu penses y aller? Où? Bah, sur place. Si tu pars maintenant, tu peux y être vers 10-11 heures. Non, faut les laisser bosser, là. Faut juste voir comment on peut les aider. C'est pour ça que je les ai appelés, Camille, pour voir comment on pouvait les aider. C'est toi qui les as appelés? Bah oui, je suis ton conseiller transport. Je tombe sur l'info en arrivant au boulot. Évidemment, je fais le point avec le préfet du Bled, c'est mon job. C'est le plus gros carton depuis des années, Camille. Des enfants, en plus. Mais justement, ils ont autre chose à faire ce matin que nous parler. Il attend, là, le préfet? Il est en ligne? Bon, du calme, Camille. Tu dis juste un petit mot rapide au préfet, et puis après... Je pensais bien faire, moi. Il faut bien... Bon, c'est bon, c'est... Zépette. On est sur haut-parleur. Je nous ai mis en mode muet, si tu veux lui parler, t'as qu'à appuyer. C'est quoi son nom? Le préfet. Ah, je sais pas, la Camille, je sais plus. Bertin? Bertin, je crois. Je vérifie, monsieur le Premier ministre. C'est bon, laissez tomber tous, je le prends. Silence. Monsieur le préfet? Oui? Camille Fournier à l'appareil. Ah, bonjour monsieur le Premier ministre. Bonjour. Je ne crois pas qu'on se connaisse, en tout cas on ne s'est jamais parlé. Vous êtes en poste depuis longtemps? Ici? J'ai été nommé il y a 3 mois, monsieur le Premier ministre. Avant, j'étais sous-préfet à Saintes, en Charente-Maritime. Je peux vous demander votre prénom? Jean-Paul. Jean-Paul Bertin, monsieur le Premier ministre. Bon, Jean-Paul, Je ne sais pas trop comment je peux vous être utile d'ici. Est-ce que vous souhaitez que je refasse un point sur la situation avec vous, monsieur ? Non, non, vous avez assez de boulot comme ça. Si j'ai compris, la priorité, c'est les blessés. Eh oui. Les secours arrivés sur place ont activé le plan Novi. Qu'est-ce que c'est, Novi ? Le plan Orsec Novi, organisation des secours nombreuses victimes. Et j'ai pris l'initiative d'activer le plan blanc pour une répartition des victimes sur différents établissements susceptibles d'assurer les hémostases chirurgicales et les urgences vasculaires. Ils savent gérer pour les victimes de cet âge ? Non, on espère. Malheureusement, on a deux centres de pédiatrie qui ont fermé l'an dernier, dans le cadre du plan économie santé, comme vous savez. Mmh. On doit réorienter les enfants sur des établissements pour adultes. Ils ont appelé des pédiatres en urgence de toute la région. Il va falloir beaucoup de monde. Ok, bon. Je ferai un point juste après avec la ministre de la Santé pour m'assurer que vous disposez de tous les moyens disponibles. Merci, monsieur le Premier ministre. Et le chauffard ? Rien encore. J'ai demandé à la commandante du groupement de gendarmerie d'activer le plan immédiat d'intervention. Le plan épervier, c'est le nouveau nom. Allô ? Oui. Je vous écoute, Jean-Paul. On a des témoignages incohérents sur le modèle et même sur la couleur du véhicule. C'est souvent le cas hein, quand les témoins sont sous le choc. Mmh. Mais la gendarmerie a commencé à établir des barrages et va lancer un appel à témoins. Il faut l'arrêter très vite. À ce sujet, si vous le permettez, je profite de cet échange pour peut-être soumettre un détail des opérations à votre validation. Allez-y. Bon, c'est un peu délicat, monsieur, mais les trois ou quatre témoignages fiables dont nous disposons convergent vers un conducteur masculin d'une vingtaine d'années qui serait de type africain. Et ? Et dans l'appel à témoins, on peut préciser ou ne pas préciser l'origine ethnique des suspects. On pourrait se contenter du type de véhicule recherché. Non. Si le chauffard est noir, il faut le dire, évidemment. Ça va susciter un tombereau de commentaires haineux sur les réseaux sociaux. Et comme vous êtes vous-même la cible... Sans s'en moque, diffusez cet appel à témoins avec le maximum d'informations. Évidemment, il faut arrêter ce type au plus vite. Bien, monsieur. Jean-Paul, je vais être très direct. Est-ce que vous pensez avoir la situation en main ? Je crois, monsieur le Premier ministre. J'espère. La journée va être compliquée, mais je crois que ça ira. Bon, je vous laisse travailler alors. Bon courage. Je vais vous donner mon numéro perso. Vous m'appelez quand vous voulez. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, de prendre une décision, si quelqu'un vous met des bâtons dans les roues, vous m'appelez. Et si je ne réponds pas, ce qui peut arriver, vous appelez Valérie Mérieux, ma directrice de cabinet, qui vous répondra. Très bien, merci, monsieur. Est-ce que je peux vous aider en quoi que ce soit d'autre ? Eh bien, si je le sais, monsieur, bon, je ne veux pas court-circuiter les voies hiérarchiques, hein, mais je viens de recevoir un appel du ministre de l'Intérieur qui risque de nous compliquer la tâche. Comment ça, pas d'hélico ? Vous déconnez ou quoi ? Je viens d'exploser, Mathias. Ça se passe comment là-bas ? C'est vilain, c'est très vilain, j'ai jamais vu ça. Faut vraiment que vous me poussiez des moyens là. C'est quoi les délais pour la cavalerie ? Je suis à poil ici, on est venu à trois véhicules, j'ai que 10 secouristes sur place. On manque de bras, on manque de tout. Ça va être trop long, il faut des hélicos. On va avoir plein d'évacuations, vous vous rendez pas compte ? J'ai demandé des hélicos, Mathias. Et tu viens pour en avoir reçu ? Amandine, dans le bilan, je t'ai mis que deux enfants Delta, parce que j'attends le médecin pour confirmation. Mais sur les 14 UA, j'en ai au moins 7 ou 8 en arrêt cardio. C'est pas deux morts qu'on va avoir, on va se retrouver avec 8 ou 10 gamins sur le tas. Il faut des putains d'hélicos, maintenant ! Montez dans la voiture, on va directement à l'école. Il me faut un café, maintenant. On est encore loin ? Oh, la salope ! Oh, la salope ! Quoi, qui ? Mais là ! Une dépêche. La ministre de l'Éducation, de la Culture et de la Fonction Publique, et Brigitte Trégnaud, s'est rendue sur les lieux du drame pour apporter son soutien aux familles et au personnel enseignant. La salope. Elle a dormi sur place ou quoi ? Déjà tous les ans, pour l'anniversaire de la mort de Gaulle, elle se débrouille pour être la première à Colombey. L'année dernière, elle a fait un selfie sur sa tombe à 5h du mat. Qu'est-ce qu'on fait ? On la rejoint à l'école ou on va directement à la préfecture ? Si on la rejoint, ça fait un peu « j'arrive après la bataille ». Oh merde, c'est Bokassa. Salut Camille, ça va ? Je suis en route, hein, oui, justement. Figure-toi que le chauffard est toujours en fuite. Donc, je pensais aller à la préfecture pour coordonner le plan épervier. Et, hein, le plan d'intervention immédiat, c'est ça. Et c'est pas mal que j'y sois, pour montrer que le ministre de l'Intérieur s'implique. Non, mais Camille, c'est important que je... Quoi, mais c'est ridicule. C'est ridicule. Je suis en route, là, je te dis. Je suis arrivé. J'arrive sur place dans 10 minutes. Je vais pas... Oui, ok, comme tu veux. Non, mais vraiment, c'est trop bête de... J'ai compris, Camille, j'ai compris. Oui, oui, oui, on s'est en courant. Une journée. Je le hais, putain, je le hais. Ils auraient pas pu le laisser au Congo. Au Rwanda. Qu'est-ce qui se passe? Mais on fait demi-tour. On rentre à Paris. Quoi? Fournier m'interdit de me rendre sur place. Pas tant que les opérations de secours et de recherche sont en cours. Il paraît qu'on pourrait gêner le travail du préfet. C'est le préfet qui a prévenu Matignon qu'on venait? J'en sais rien, j'imagine. Si c'est ça, je vais me le faire. Mais je les hais, tous. Demi-tour, on rentre à Paris. Et trouvez-moi un café. Bien, mes chers. Non! Rappelle-le. Rappelle Fournier et dis que Trégnaud est déjà sur place. Il n'y a aucune raison que tu puisses pas y être aussi. Mais il va encore m'engueuler. Rappelle-le. Qu'est-ce que je fais, monsieur? Demi-tour? Non, on y va. Orléans, la préfecture. On s'est pas tapé 200 bandes pour des prunes. Dominique, tu rappelles Camille et tu lui dis pour Trégnaud. On va pas se faire piquer la vedette par cette vieille salope. Moi, je rappelle le préfet. Si c'est ce petit merdeux qui a balancé, il va m'entendre. Je te dérange? À ton avis? Je te préviens, si c'est pour me demander toi aussi d'aller couvrir le film d'horreur à l'école primaire, c'est trop tard. J'ai déjà envoyé une équipe. Non, c'est vraiment pas ma cam. C'est pour un truc perso. Ah, ça peut pas attendre ce soir. Allez, entre. C'est pas rédacteur en chef que j'aurais dû faire, c'est psy. Vas-y, je t'écoute. Tu te souviens, je t'ai dit que je m'étais fait cambrioler la semaine dernière. Je peux voir avec la RH s'ils peuvent te faire une avance. Non, si tu veux. Le fric, je me démerde. En fait, j'ai planqué un ordi chez moi qui contient un texte important. Ton projet sur Belansky? On te l'a volé? Non, on me l'a pas volé, mais justement, c'est bizarre. Je voudrais pas que tu penses que je suis complètement parano. Hein. T'es complètement parano, Élise. C'est une qualité dans notre métier. Olivier, le bouquin est prêt. Élise, non. J'ai besoin de toi. J'ai besoin du soutien de toute la rédac, maintenant. Je pense que mon cambriolage a été organisé par des gens... très important, qui ne veulent pas que ce livre soit publié. Ah oui, c'est possible, Élise, c'est probable même. Il faut publier, au moins des extraits sur le site, avant que l'Élysée ait le temps d'organiser sa défense. Putain, bordel de merde. Elle est solide, ton enquête? À ton avis? Élise, ça a intérêt à être du béton armé. Parce que non seulement je vais avoir les actionnaires sur leur able, mais au château, ils vont sortir la sulfateuse. À suivre. Rue de Varenne, de François Perrache. 22e épisode. Chris Nyanguna, William Nadilam, Aline Lebert, Hervé Pierre, Anne Deleuze, Gilles Privat, Claire Dumas, Adrien Melin, Capucine Lespinas, Clément Morinière, Olivier Cruveillé, Anne Azoulay, Anne Cantino, Damien Gouy, Jean Ruffel, François Perrache et Delphine Léonard. Bruitage, Sophie Bissens, Elodie Fiat. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Remerciements à la SACD, Société des auteurs et compositeurs dramatiques, pour leur soutien et leur accueil. Prise de son, montage et mixage, Stéphane Desmonts, Émilie Couette. Assistante à la réalisation, Claire Chenon. Réalisation, Cédric Ossir. It's bad, you know.